pris sur le vif. Écoutez. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Que voulez-vous? 1 kilo de pommes, 1 litre de lait, 1 boîte de thon. C'est tout? Non, 1 paquet de bonbons. Je fais le total. 1 kilo de pommes, 5 francs 20. 1 litre de lait, 2 francs 10. 1 boîte de thon, 7 francs. Bonbons, 2 francs 50. Ça fait 16 francs 80. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Répétez. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Que voulez-vous? 1 kilo de pommes, 1 litre de lait, 1 boîte de thon. C'est tout? Non, 1 paquet de bonbons. Je fais le total. 1 kilo de pommes, 5 francs 20. Un litre de lait, 2 francs 10. Une boîte de thon, 7 francs. Bonbons, 2 francs 50. Ça fait 16 francs 80. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Écoutez. Monsieur, je cherche La condition humaine de Malraux et Parole de Prévert. Allez au rayon des livres de poche. Voici le vendeur. Parole de Prévert et La condition humaine de Malraux, s'il vous plaît. Voici La condition humaine, mais nous n'avons plus Parole. Repassez la semaine prochaine. D'accord. C'est combien? 15 francs. Allez à la caisse. Répétez. Monsieur, je cherche La condition humaine de Malraux et Parole de Prévert. Allez au rayon des livres de poche. Voici le vendeur. Parole de Prévert. Et La condition humaine de Malraux, s'il vous plaît. Voici La condition humaine, mais nous n'avons plus Parole. Repassez la semaine prochaine. D'accord. C'est combien? 15 francs. Allez à la caisse.